Vous écoutez RTL. RTL, toujours avec vous. RTL autour du monde. Présenté par Jean-Michel Zeka et Jean-Sébastien Petit-Demange. Tout le monde est prêt ? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, très bel après-midi sur l'antenne d'RTL. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL autour du monde. Nous sommes les amis à 48 heures de la fête nationale. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête nationale, Pierre Baron nous emmènera pour la première fois, non pas près de la colonne de la Bastille, mais... sous la colonne de la Bastille. Qu'est-ce qui peut se cacher sous la colonne de la Bastille ? Nous le saurons dans cette émission. Cool ! Émission de teasing. Et puis aujourd'hui, c'est un peu la journée de la pierre. C'est patrimonial, puisque Pierre Baron, mais en plus, Pierre Josse sera avec nous également. Bonjour Jean-Sébastien, bonjour Jean-Michel. Comment ça va, Pierre ? Oh, en pleine forme, moi. Chaque fois que je reviens ici, je revis, j'ai les poils qui se redressent. Si ça peut contribuer à ce que vous sentiez mieux. J'ai les doigts de pied en bouquet de violet. Voilà. Vous frisez un peu avec l'humidité quand même aujourd'hui, faites attention. Je le disais, journée de la pierre, puisque de la Bastille, nous passerons à la pierre de Pompéi également, avec Pierre. Oui. Hein, oui, ça, on peut ça le dire, on peut le dire. Il se passe un truc à Pompéi que personne ne connaît. Oui, et que je m'apprête à vous dire dans quelques instants. C'est ça, c'est vraiment la journée du mystère. Voilà. Également. Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière, et c'est rien de le dire, derrière le site, l'un des sites les plus étonnants du monde. On parlera de Pompéi d'ici quelques minutes. On parlera de la frontière franco-espagnole. Le guide du routard, évidemment, nous emmènera dans une gare. Oui. Une gare qui n'a rien d'une gare. Qui n'a rien d'une gare. C'est comme si on avait transporté le musée d'Orsay en pleine montagne. Rien que ça. Rien que ça. On y vient dans quelques minutes. Et puis évidemment, Jean-Sébastien, le jeu fil rouge. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Et si voilà. Je retrouve le con qui a fait sauter le pont. Ce jeu fil rouge. C'est diffusé cet été. Hein, voilà, c'est facile. Hein, oui, en août, sur TF1, oui, je pense. Absolument. Le fil rouge de l'émission, c'est trois indices pour trouver un lieu quelque part en France. Exactement, trois indices. Et il va être question justement de mystère sur cette destination que nous devons découvrir. C'est un village et nous avons un invité au téléphone qui habite ce lieu que nous devons découvrir. Bonjour Francis Jordan. Bonjour. Bonjour Francis, bienvenue sur l'antenne d'RTL. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'où nous appelez-vous ? Et c'est la question à laquelle vous ne devez pas répondre. Évidemment. Évidemment. Vous êtes dans ce village mystère. Dites donc, il paraît que vous êtes très très fort en basket, on m'a dit. Ah, j'ai eu une carrière dans le basket, effectivement. Vous appelez Jordan et vous avez joué au basket. Oui, je connais très bien Michael Jordan. Non, sérieusement ou pas ? Ah ben sérieusement, ah, vous avez quand même été entraîneur entraîneur de l'équipe de France. L'équipe nationale dans les années 90, c'est-à-dire de 88 à 93. Remarquable. Voilà. Donc on pourrait presque dire que c'est déjà un indice, le vrai premier indice pour découvrir le village mystère que nous cherchons aujourd'hui. Ce premier indice, c'est celui-ci. Il est musical. Écoutez. Ils la connaissent, la Sardane. Ils l'ont dansé quand ils étaient gamins. Ils l'ont dansé quand ils étaient gamins. Alors, la jolie Sardane de Charles Trenet. On n'entend plus assez à la radio, je trouve. La jolie Sardane de Charles Trenet. C'est le premier indice. C'est le premier indice. Francis, on peut en donner un tout petit de plus. Pourquoi Charles Trenet ? Parce que Charles Trenet a ses origines pas très loin de chez nous. Exactement. Et puis il avait un père, je crois, qui a été le maire de votre village. Oui, c'était le maire de mon village, oui. Il y a de nombreuses années, effectivement. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres indices. Francis, restez avec nous. Je rappelle que pour ce jeu fil rouge, vous qui écoutez RTL cet après-midi, vous allez pouvoir gagner en appelant le 32-10 et en donnant peut-être la bonne réponse. Vous allez gagner des boules. Je parlais basket. Je pensais basket, je suis tombé dans le panneau, je suis désolé. Des boules de pétanque de la marque Au but. Ainsi que leur chamoisine. C'est important. Oui. Nous titillerons le cochonnet ensemble. 32-10, si vous avez peut-être déjà une idée de ce lieu que nous recherchons quelque part en France. On en reparle plus tard. La chronique de l'extrême, pour démarrer cette émission, Jean-Sébastien Petit-Demange, vous nous emmenez là-bas. Direction là-bas. Que de musique. C'est Las Vegas. C'est une débauche de moyens, forcément. Hein, c'est Las Vegas. Pourquoi Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis, sur la côte ouest ? Eh bien, parce que Las Vegas est devenue, en 2015, la ville la plus visitée dans le monde. 39 668 000 visiteurs, détrônant ainsi New York, qui avait la première place dans les villes les plus visitées. Et Las Vegas est devenue la ville préférée du monde entier. Alors évidemment, les casinos y sont pour beaucoup. Vous savez combien ils réalisent de chiffre d'affaires par an, ces casinos ? 35 millions de dollars. On est autour de 6 milliards de dollars par an. 6 milliards de dollars par an. On peut... Le plus gros jackpot... Ah, c'est ça. C'est ça. Le plus gros jackpot. 35 millions de dollars. Ça, j'avais lu. Une ligne sur mon tête. Oui, c'est ça, voilà. C'est pour ça. C'est le plus gros jackpot, il était à 35 millions de dollars. Il y a d'ailleurs, il y a un jeune homme de 17 ans qui un jour, c'est une anecdote qui me revient, ça avait a fait sauter un bandit manchot. Il avait gagné, je crois qu'il a gagné autour de 300 000 dollars sur un bandit manchot, et le casino n'a pas voulu lui donner parce qu'il n'était pas majeur. Les parents ont attaqué le casino et le casino a gagné. Comme quoi, le casino gagne toujours. Oui, voilà, et comme quoi il faut surtout laisser les parents jouer. Au casino, ils savent eux ce qu'ils font, et encore pas toujours. En attendant, l'histoire de Las Vegas est là, grosso modo, 110 ans. Tout a commencé en 1905 avec l'arrivée du chemin de fer. Alors, quel que soit le but de votre voyage à Las Vegas, moi je crois qu'il faut absolument arriver, que ce soit en voiture ou en avion, il faut arriver un soir au coucher du soleil, parce que là du coup s'allument au fur et à mesure tous les néons de Las Vegas, et on a l'impression de rentrer dans une espèce de ville qui est un immense parc d'attractions pour adultes, avec évidemment le fameux Las Vegas Boulevard, qu'on appelle le strip. Pourquoi le strip, d'ailleurs ? Parce qu'on risquait d'y laisser sa chemise. Exactement. Et on pouvait, une fois tout perdu, on ressortait, on n'avait plus rien. Je peux poser une question. Cette histoire de divorce, on en a beaucoup parlé à une certaine époque. C'était une légende ou pas, le fait qu'on pouvait, soi-disant, divorcer là-bas ? Las Vegas est né du divorce. Parce qu'en fait, on pouvait se marier à Las Vegas en moins de temps qu'il faut pour le dire. On peut toujours le faire. Mais surtout, on peut divorcer à Las Vegas en 42 jours. Ce qui est à peu près le délai le plus court qu'on trouve n'importe où dans le monde. Or, quand on reste 42 jours dans l'état du Nevada, dans la ville de Las Vegas, on est résident, mais surtout, il fallait s'occuper. Et donc, on a créé les casinos pour que les gens restent 42 jours sans s'ennuyer. Et tout a commencé autour de Fremont Street avec le Northern Club. Et on était dans les années 30. Et 70 ans plus tard, c'est devenu le royaume du kitsch, de l'extravagance, de la mégalomanie, la ville la plus démente des États-Unis, avec les plus grands hôtels, avec le MGM Hotel où il y a 5000 chambres, l'Excalibur qui en a 4000, il y en a un aujourd'hui qui a plus de 7000 chambres. Le Flamingo, par exemple, c'est un des plus vieux hôtels. Vous savez que dans les années 50... Vous connaissez l'histoire de Sammy Davis Jr. Eh ben voilà, Sammy Davis Jr. dans les années 50 était une star immense dans toutes les stars noires qui venaient pour faire des spectacles à Las Vegas. Et que croyez-vous qu'il se passa le jour où Sammy Davis Jr., après un spectacle, a décidé de piquer une tête dans la piscine ? L'histoire est sordide. Non mais c'est vrai, l'histoire est sordide. Et elle représente bien, ils ont vidé l'eau de la piscine, on est sur une bosse. Non, ils ont exigé, les employés. On est dans les années 50, les employés ont exigé qu'on vide. Les employés blancs ont exigé qu'on change l'eau de la piscine, et ils ont accepté, la direction a accepté. Ça montre bien toutes les luttes raciales qu'il y a eu aux États-Unis. Ça explique, on comprend Malcolm X, on comprend Martin Luther King, on comprend Selma quand on a ça dans la tête. En attendant, Las Vegas est une ville absolument incroyable, la ville la plus visitée dans le monde. Alors aujourd'hui, moi je crois qu'il faut y aller pour une chose, les spectacles, parce que vous avez les plus beaux shows de musical au monde. Les parcs d'attractions. Céline Dion, par exemple, les spectacles du Cirque du Soleil, et puis on peut y rester 2-3 jours parce que c'est un endroit qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. C'est incroyable. Merci Jean-Sébastien, c'était Las Vegas, le strip de Jean-Sébastien Petit-Demanche d'entrée de jeu aujourd'hui. On n'a pas de temps à perdre. 32-10, je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner des boules de pétanque de la marque Obut. Le premier indice, on le rappelle, c'est Charles Trenet. C'est la jolie Sardane. Le père de Charles Trenet a été maire du village que nous recherchons. Je vous souhaite bonne chance. Le deuxième indice, un peu plus tard dans cette émission. RTL. Autour du monde. Autour du monde. Merci de voyager avec nous, merci de nous accompagner l'après-midi sur RTL tout au long de l'été, 15h, 16h. Pierre Baron est avec nous le mardi, sera avec nous tous les mardis pour des histoires absolument monumentales. Vous nous emmenez, on l'a dit tout à l'heure, à Pompéi aujourd'hui. On part pour le sud de l'Italie. Pompéi, dans les mémoires collectives, dans les esprits, c'est l'éruption volcanique la plus célèbre de l'histoire. Oui, nous sommes le 24 août 79, début d'après-midi. Le Vésuve explose. Alors 79, hein, c'est pas 1900, hein, c'est 79. Oui, j'ai pas dit oui. 1900. Non, non, mais c'est parce que des fois ça... Bon... Premier siècle de notre ère. Voilà. Pour faire universitaire. Merci pour cette précision importante. Je vous en prie. Jean-Sébastien a précisé. Maintenant, je continue. Je vais essayer, dis-moi. Le Vésuve va expulser dans l'atmosphère un énorme nuage de cendres brûlantes. À des kilomètres de hauteur, il va y avoir des millions de tonnes de cendres qui vont refroidir et vont retomber massivement sous forme de poudre et de pierres ponces sur Pompéi. Ça va très vite, Jean-Michel, ça va très très vite. En deux jours, ces coulées de lave détruisent toutes les constructions sur leur passage. Et bien sûr, ça brûle et ça asphyxie tous les malheureux. Ça faisait à peu près 12 000 personnes, 12 à 15 000 personnes qui n'ont pas pu fuir. Donc la ville est complètement ensevelie. Anéantie et ensevelie. Et c'est là que ça devient assez incroyable. C'est que la ville, elle va rester dans l'oubli, elle va rester ensevelie, quasiment pendant 2000 ans. D'accord ? Jusqu'à ce que les archéologues mettent à jour ce qui était un peu le Saint-Tropez de l'époque. Ben oui, c'est une station balnéaire très prisée, Pompéi. C'est là que les riches romains venaient, parce que, ben, on n'a rien inventé, ils fuyaient la saleté, la pollution et le bruit de Rome. Donc, qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a des villas somptueuses, de magnifiques résidences secondaires, avec le tout à l'égout, des soins corporels très raffinés. C'est vrai que quand on pense, 1600 ans après, le palais de Versailles, à côté, c'est un bouge. Mmh. Vous avez dit que c'était un peu le Saint-Tropez de l'époque, mais le plus intéressant à Pompéi n'est pas sa gendarmerie. Non. Il faut le savoir. C'est vrai, mais il y a des. On est même aux antipodes. Oui, mais il y a quand même des seins nus, voyez-vous. Quand même. Il y a quand même des seins nus. Alors on va préciser. Donc on a cette chance de retrouver une cité, c'est assez rare. Et là on a un deuxième coup de bol monumental, c'est le cas de le dire. On retrouve un lupanar, un bordel. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement rare dans l'Antiquité de retrouver une maison dédiée à la prostitution. Chez les Romains, la prostitution, ça se pratique dans les tavernes, dans les bars malfamés. Qu'est-ce qu'on fait ? On va boire un coup, on joue au dé, et quand on est un petit peu bourré, on monte l'escalier qui est aussi raide que soi, et là, on finit la soirée. Et là, crac-crac. Voilà. Bon, c'est là, le lieu de prostitution habituel à Rome, il est là. Trouver une maison entière là-dessus, c'est exceptionnel. C'est rarissime. D'accord. Bon, je vois bien que Jean-Sébastien trépigne, donc on va entrer dans ce bordel. On pousse la porte. On va y aller. Allons-y. Qu'est-ce que ça donne ? On a une maison à... Un Bonsoir, étage ? Je suis Gilda. Non, non, ça j'y crois pas une seconde, Jean-Sébastien, là, pas une seconde. On a une maison à un étage, 5 chambres au rez-de-chaussée, 5 chambres au premier. C'est glauque à un point invraisemblable. Il n'y a pas de lumière, c'est minuscule, on a les paillasses, des espèces de paillasses sur lesquelles, je veux dire, on va vite. On dit que les clients restaient à peine 10 minutes, quoi. Ils prenaient même pas le temps d'enlever leurs sandales. C'était carrément l'abattage, d'accord ? On a ce qui est resté célèbre quand on visite Pompéi, et les 3 millions de visiteurs qui y ont été doivent avoir ça en tête, c'est ces fresques qu'on retrouve au-dessus des chambres. En réalité, on nous raconte que ça devait décrire les spécialités des dames. Est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses, si j'ose dire ? Eh bien oui, cher ami, totalement. Et vous ? Parce que c'est vraiment pas cher. Le prix de la passe, c'est très très bas. C'est 2 as. Je dis c'est du latin, c'est pas de l'anglais. A2S. Hein. A2S. Qu'est-ce que c'est 2 as ? C'est le prix de 2 pains ou 1 demi-litre de vin. Ça veut donc dire que n'importe qui, y compris les esclaves, bas de l'échelle sociale, pouvait... Tout le monde peut se l'offrir. Ah ben oui, ça, je sais pas si on ira tous au paradis, mais à Pompéi, ils allaient tous au 7e ciel, ça c'est sûr. C'est-à-dire que les hommes et les femmes se prostituent ? Tout le monde se prostitue à Pompéi à l'époque ? Oui, hommes et femmes. Sur les murs du bordel, on a retrouvé des graffitis qui nomment précisément 6 prostituées masculins, dont celui du taulier, quoi, le tenancier des lieux, un certain Africanus, et son associé, un dénommé Victor. Il y a des choses qui ne s'inventent pas. Si, si, attendez, non seulement ça ne s'invente pas, mais je pense que le Victor devait quand même mettre du cœur à l'ouvrage. Pas que du cœur. Puisqu'on peut y lire à son sujet dans le graffiti, Victor a vaincu. Eh oui. Donc il devait payer de sa personne, celui-là, oui. Victor a vaincu en et latin alors, dans le texte. Voilà. Dans le texte, on rappelle. Deux As Africanus et deux. On a bien compris. A vaincu, on est bon là. Et les autres graffitis, parce qu'il y en a d'autres, ils racontent quoi? Bon, ils racontent un peu l'éternel masculin, faut dire les choses comme elles sont. Ils racontent la vantardise des clients qui disent qu'ils ont beaucoup, allez, on va dire le mot grossier, j'aime pas ça, mais baiser dans les lieux. Il y a aussi la satisfaction du devoir accompli. On en a quand même 120 d'inscriptions. Hein. Il y a des remarques reconnaissantes. Il laisse des avis généralement sur la qualité de la prestation. Il y a un peu le prédécesseur de Pierre Josser. Il y a un peu un esprit guide du routard. Il y a ceux qui rentrent et qui disent « Moi, je suis venu ici. » Si vous venez de ma part, demandez une telle, c'est un bon coup, par exemple. C'est un peu TripAdvisor. Ouais, c'est TripAdvisor, exactement, voilà. Mais je crois me souvenir que même Rocco Siffredi avait accepté qu'on peigne son attribut, non ? À Pompéi ? Oui, ouais. Ce qui est un contresens monumental, c'est le cas de le dire, parce que, pour faire vite, chez les Romains, le sexe doit être petit. Et chez Rocco Siffredi, c'est pas exactement le cas. Alors, voilà. Non. Et puis bon, c'est l'élégance, c'est d'avoir des petits sexes dans les statues romaines sur ça. Ça va, pour les éruptions, ils ont été servis en plus. Ouais, c'est ce qu'il fallait. Donc il y a un mystère insondable, quand même, pour terminer, ouais. Pierre. Ouais. Dans ce lieu assez exceptionnel, c'est quoi ? Bah, y a quand même quelqu'un qui est quand même fascinant, c'est une dénommée Fortunata. Et pourquoi je trouve que c'est un fantasme éternel, Fortunata ? Parce que la dame, elle prend 24 as. Pour le prix de ses services, c'est-à-dire 12 fois plus que toutes les autres prostituées du bordel. Alors on se dit pourquoi ? Et voilà, on se dit soit elle est réservée aux riches clients parce qu'elle est d'une beauté exceptionnelle, pourquoi pas ? Soit elle fait des trucs, ou elle faisait des trucs que soit personne... Soit c'est le plus grand cabaret du monde. Voilà, d'autres n'étaient capables de faire, voilà. Et ça... Sans les mains. 2000 ans après... Ça titille la curiosité. Vous avez compris, Pompéi n'aura jamais aussi bien porté son nom. Les histoires monumentales de Pierre Josse, c'est tous les mardis. Non, c'est Pierre Baron. Non, pas de Pierre Baron, pardon. Oui. C'est tous les mardis dans cette émission. Normal, on prête corrige. Bah, voilà, c'est ça. Je reviens, je vais vous parler de la gare. Voilà, on en reparle tout à l'heure de vos histoires monumentales. Vous nous emmenez où ? Ah, bah tout à l'heure, je vous amène sous la colonne de la Bastille. Voilà, on le rappelle. 32-10, le jeu fil rouge, ça continue. Avec un deuxième indice. Un deuxième indice. Après. La Cerdagne de Charles Trenet au 32-10. Si vous trouvez le nom de ce village qui est voisin de la capitale française de la cerise. Francis est toujours en ligne. Hein. Absolument. Francis, il est là. Il est là, Francis. Francis, ce deuxième indice, voisin de la capitale française de la cerise. Vous confirmez ? Absolument. C'est les premières cerises qu'on trouve sur les marchés français. Et qu'on envoie au président de la République. Exactement. C'est une tradition de chez vous, ça. Oui, depuis de nombreuses années, d'ailleurs. Est-ce que vous avez trouvé, vous qui écoutez RTL cet après-midi, d'où Francis Jordan nous appelle ? Vos réponses au 32-10 pour gagner des boules de pétanque de la marque au but. Bonne chance. RTL autour du monde, le tourisme d'office. Le tourisme, mais... d'office dans cette émission, c'est tous les jours avec le grand challenge quotidien des offices de tourisme. On vous rappelle le principe, c'est simple, tous les jours on va appeler un office de tourisme. Le challenge, c'est pas compliqué, c'est de nous donner l'envie de venir leur rendre visite. Et on va parfois aller dans des endroits très très reculés de France, parfois assez inconnus, à la rencontre d'attractions insolites. L'envie, c'est d'aller y faire un tour. On va accueillir tout de suite sur l'antenne d'RTL la responsable de l'office du tourisme de cet endroit, c'est Patricia Duvois, bonjour. Oui, bonjour à tous. Où sommes-nous chez vous, Patricia, tout de suite? Alors, nous sommes à Arbois, dans le Jura. Voilà. Hein, au cœur de la région Bourgogne-Franche-Comté. Hein. Et je vais vous inviter à la découverte d'un lieu magique niché au cœur de la reculée des planches près d'Arbois. Voilà, il s'agit de Cascades. Exactement. Nous vous invitons à aller à la rencontre donc de la Cascade des Tuffes. Hein. Une cascade parmi tant d'autres dans notre région, mais une cascade dont la magie est notamment l'environnement, le cadre, et quel que soit, on va dire, le niveau d'eau de la rivière Cuisance qui l'alimente, ça reste un site à découvrir absolument à l'occasion de promenades familiale. Non mais Patricia, ça veut dire, je vous interromps, ça veut dire que même s'il ne pleut pas, le site est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau quand même ? Oui, il y a de l'eau, nous ne coupons pas le robinet d'eau sur bien. Cette cascade. Voilà, c'est brillant comme idée. Patricia, il faut aussi préciser que ces reculés, qui sont une spécialité jurassienne, font partie des plus beaux paysages qui soient en France. C'est quelque chose de totalement sublime que vous avez. Effectivement, c'est vraiment une géologie spécifique à notre territoire, avec ces vallées aveugles qui se ferment par un amphithéâtre rocheux. Et là, vous avez notamment, aux planches, une falaise de 245 mètres d'aplomb, donc avec une végétation et une nature extraordinaire. Et si vous êtes chanceux, vous apercevrez peut-être un faucon pèlerin, un chamois. À vous d'être le plus attentif possible lorsque vous vous rendez dans ces sites. Voilà, si vous voulez voir à quoi ressemblent ces magnifiques cascades des Tuffes, photo, tout est en image sur la page de l'émission, sur RTL.fr et sur Twitter via le compte de RTL France. Voilà, donc les photos à venir. Ma chère Patricia, vous savez que c'est un challenge les offices de tourisme. Vous oui, savez que les auditeurs d'RTL vont peut-être voter pour vous, car à la fin de l'été, nous allons vous décerner, peut-être à vous d'ailleurs, le diplôme RTL de meilleur office de tourisme de France. Pour ça, il faut avoir convaincu les auditeurs d'RTL de venir chez vous, et en tout cas, leur avoir donné l'envie de venir visiter ces cascades, par exemple. Et pour cela, je vais vous donner un petit joker supplémentaire. C'est la question à 1000 francs. Mais parce que Jean-Michel pose encore des questions. Mais bien sûr, c'est la question, la fameuse question à 1000 francs, ça c'est historique. Alors, Patricia. Je vous écoute. Quel rapport y a-t-il entre Arbois et le lait pasteurisé ? Oh là là, question piège. Et, question oui. piège. Et vous qui écoutez RTL, vous vous dites, je ne vois absolument pas, j'appelle un ami. Ah non, c'est trop facile, je dois avouer. Mais est-ce que je vais vous donner la réponse ou justement inviter vos auditeurs à venir nous voir ? Non, je vais vous aider quand même. Nous avons la maison d'un illustre savant, un scientifique plus exactement, un pasteur. Louis Pasteur. À Arbois. À savoir qu'il y a deux maisons Pasteur dans le Jura, tout de même. Donc la maison de Pasteur à Arbois, c'est la maison où il a vécu. On visite ses appartements et son laboratoire, le seul qu'il reste encore visible à ce de ce jour. Voilà, et c'était une merveilleuse réponse. J'espère en tout cas pouvoir vous délivrer le fameux diplôme à la fin de l'été. En tout cas, vous qui écoutez RTL, vous validez ou pas en envoyant le mot « tourisme » au 3210. Il y a des guides du routard à gagner et... aujourd'hui, en prime, l'Office de tourisme d'Arbois vous offre, Patricia, deux entrées gratuites. Oui, deux entrées gratuites à la maison de Louis Pasteur. Donc cela vous donnera une raison de plus pour venir nous rendre visite, ainsi qu'un petit magnète pour les enfants. Voilà, comme ça vous faites d'une pierre deux coups, vous allez voir les cascades et puis vous visitez le laboratoire de la maison Pasteur. Tout à fait. Voilà, tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission pour désigner les gagnants. Je vous dis bonne chance. Vous savez, Jean-Michel, que c'est Pasteur, c'est une histoire absolument incroyable. Déjà, c'est le meilleur ami des vignerons, parce que c'est lui qui a mis au point tous les travaux sur les levures. Et puis surtout, on croit toujours que Pasteur est médecin parce qu'il avait mis au point le vaccin alors qu'il n'était que chimiste. Il a soigné le jeune Meister et puis quatre jeunes Américains qui avaient été mordus par un chien enragé. Mais il n'a jamais été médecin. Eh ben voilà, merci pour cette précision. Patricia, bonne journée et bravo encore à l'Office de tourisme d'Arbois. On vous embrasse. Merci effectivement pour cette bonne connaissance de Monsieur Pasteur. Merci. À bientôt, au revoir. C'est l'esprit RTL, à bientôt, au revoir. RTL autour du monde. Moi, je partirai en vacances cet été dans les îles de la France chez mes parents. Jean-Sébastien Petit-Demange. Après, je pars en Bretagne. Après, je rentre à Madrid. Après, je repars au Baléares. Après, je repars en France, dans le sud. Jean-Michel Zeka. Bonnes vacances à vous si vous avez en tout cas la chance d'en prendre cet été. Vous êtes peut-être de grands voyageurs à l'image de Pierre Josse qui est avec nous. Bonjour Pierre. Salut Jean-Michel. Bienvenue sur RTL. Pierre qui a visité 100 pays en près de 40 ans. 107. 107 pays. Faut être précis. Quel est le pays le plus improbable que vous ayez visité? Le plus incroyable? Le plus incroyable, ouais. Celui qui m'a... j'en ai pris plein la gueule, qui m'a traumatisé à vie et j'ai envie d'y mourir et d'y être enterré, c'est l'Irlande. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi? Parce que c'est un peuple... c'est un peuple extraordinaire, convivial, gentil, qui chante, l'histoire imprègne toute l'Irlande, c'est un peu profondément émouvant, et puis ils ont la culture du bistrot, et moi je suis... Ah bah c'est rien de le dire, c'est pas du tout en Irlande qu'on va partir avec vous aujourd'hui, on va à la frontière espagnole, on est entre Pau et Canfranc, où là se trouve une gare qui n'a donc rien d'une gare. Mais on n'y croit pas. On croit c'est une espèce de gare fantôme. Voilà. D'abord, on croit que c'est du carton peint. Qu'il y a Steven Spielberg qui est en train de tourner un film. Pas du tout. C'est une vraie gare qui ressemble beaucoup au musée d'Orsay, comme j'ai dit, au niveau du style. Un style un peu haussmannien, très très lourdingue. Des façades sculptées. 240 mètres de toit d'ardoise. Puisqu'on est 360. On est à 1000 mètres d'altitude. On est à 1200 mètres d'altitude, 365 fenêtres pour un village de 600 habitants. Alors là, on se pince, on n'y croit pas. Voilà. Et en fait, c'est une gare qui doit normalement être très importante sur la ligne Saragosse-Pau-Limoges-Paris. Et on en parle depuis le 19e siècle. De construire cette ligne très importante pour le transport des marchandises, pour le commerce, etc. Et il y a plusieurs options. Il y a trois options qui se présentent. Il y a l'option basque avec Hendaye, il y a l'option Catalogne et puis l'option centrale. Et finalement, on choisit l'option centrale qui est pourtant la plus compliquée, la plus difficile, puisque de l'autre côté, on est obligé de faire une espèce de tunnel hélicoïdal pour vaincre la hauteur de la montagne et ça va coûter beaucoup plus cher. Mais l'Aragon est fidèle au roi et on a trop peur que d'avoir des problèmes avec les indépendantistes basques ou catalans. Donc, on décide de cette solution au milieu. Ça dure pendant longtemps. Il y a un vote à l'Assemblée nationale française en 1878. À une voix près, le schéma est accepté. Mais les travaux d'approche, les études traînent, etc. Et finalement, on commence uniquement dans les années 1920 à la construire. Elle est inaugurée en 1928 en grande pompe par le roi Alphonse XIII, et également par le Gaston Doumergue, qui est le président de la République française. À partir de là, tout se passe bien, les trains de marchandises circulent, ouais. Tout va bien. Et là, c'est la catastrophe. Il se passe un truc dans les années 70. Voilà. Non, mais pire que ça. Avant, mais c'est la scoumoune, tout le temps. Imaginez-vous, on fait une inauguration en 29 alors que c'est la crise économique mondiale. Ouais, bon, ensuite, il y a la guerre civile espagnole de 36 à 39. Et là, régulièrement, le tunnel est bouché pour empêcher justement les infiltrations de républicains, etc. Ensuite, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Bon, où là, on le rouvre pour une raison très précise. On reviendra tout à l'heure. En 48, il est refermé pour éviter que les résistants républicains ne reviennent. Et en 70, il y a cette catastrophe, à savoir que une pente de 42%, c'est énorme. Le train chargé, c'est des trains de marchandises, attention. Hein. Le train chargé à mort patine, les freins lâchent, les deux conducteurs de la locomotive ont juste le temps de sauter, il part en arrière, jusque dans la vallée d'Aspe, et il bousille le pont en bas, il tombe dans le gave d'Aspe, c'est une catastrophe. Cette gare est maudite. Cette gare est maudite. Et pourtant, Pierre Josse, oui, elle a beau être maudite, depuis quelques années, des projets fous de réouverture, de réexploitation, ah oui, mais là, des lieux existent. Là, Jean-Michel, c'est le serpent de mer. Il y a sans arrêt des projets. Mais je voudrais revenir sur un petit épisode qui est peu connu. Il y a un jour, j'ai encore un peu le temps là, jour, un type qui se promène et qui voit un gros paquet de papier dans un carton parce qu'on est en train de déménager ce qui reste de la gare, qui est évidemment abandonnée hein, après 70, et il trouve des factures et des taxes sur de l'or qui aurait transité entre la France et l'Espagne. Et on découvre qu'entre 42 et 43, il y a eu un trafic d'or nazi qui partait, qui traversait la frontière espagnole, qui allait jusqu'au Portugal chercher des minerais de tungstène et des minerais de fer à Teruel pour construire les obus, pour construire les canons, pour construire l'artillerie allemande. Et donc il y a eu un trafic d'or, alors que même les Alliés avaient interdit de favoriser l'économie nazie. Mmh. Et là, c'est le scandale, quoi. Mais est-ce qu'on va la réouvrir un jour, cette guerre ? Alors, je vous dis, c'est le serpent de mer parce que il y a un projet pour 2020. Oui, en 2007, ils ont refait toute la toiture. Ça a coûté une fortune. Manque de pot, j'ai oublié de le dire. 2008, la crise des subprimes. Et bim. Eh ben bim, parce qu'on devait construire un grand hôtel international, de luxe, un casino, etc. Non, c'est la scoumoune du début jusqu'à 20. Quand il y a la poisse sur un truc. Elle se visite, cette gare de Canfranc ? Oui, alors, non, elle se visite. Elle se visitait à une époque. Moi, j'ai eu la chance de la trouver délabrée, ouverte, à tous les vents, etc. Mais il y a eu quelques accidents. Et donc, on a mis des palissades, parce que se dégrade à une vitesse grand V. Ouais. Bon, mais ça n'empêche pas, pendant l'été, les touristes de venir, et c'est l'enchantement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un décor. Il y a un côté réaliste. Apocalyptique. Ouais. Voilà, c'est une gare qui aurait été bombardée par la bombe atomique et à découvrir parce que la jungle, la végétation a repris le dessus, les wagons se dégradent, se tombent en ruine. Enfin, c'est un spectacle absolument extraordinaire et c'est le rendez-vous de tous les photographes de l'insolite. La gare de Canfranc, peut-être si vous êtes dans le coin, hein, on rappelle qu'on est à la frontière espagnole entre Pau et Canfranc. Allez visiter ça, faites des photos, on les postera peut-être sur les sites, tiens, sur RTL.fr. C'était Pierre Josse, le guide du routard, sera notre invité tous les mardis dans RTL Autour du Monde. Francis Jordan est toujours avec nous dans RTL Autour du Monde. Francis Jordan, on rappelle que vous êtes dans cet endroit en ce moment, cet endroit que les auditeurs d'RTL recherchent. Et un village. Et c'est un village. On rappelle de la Cerdagne. On rappelle les deux premiers indices. Et devant la mer qui l'entoure. Charles Trenet, dont le père a été le maire de ce village dans les années 40. Deuxième indice, la cerise. Oui, c'est à côté de la capitale française de la cerise. Et le troisième indice, Francis, vous nous le donnez ? On trouve chez vous une bizarrerie, un mystère pratiquement. Voilà, exactement. L'indice est un mystère, celui de la fameuse Sainte Tombe. Cette tombe est un vieux sarcophage en marbre du IVe siècle situé à l'extérieur de l'église abbatiale. Il repose sur deux blocs de marbre au sol. Le phénomène miraculeux est le suivant. Chaque jour, il se produit une quantité d'eau, 1 litre en moyenne, qui se renouvelle en permanence. Une eau quasiment pure à laquelle on attribue des vertus médicales et curatives. Mais surtout, il n'y a pas de robinet. Il n'y a apparemment aucune supercherie, ni tuyauterie, et aucun remplissage extérieur. Alors, mystère ou miracle de la nature ? Et je vous le demande. Et voilà. Eh bien, merci Francis pour ces explications. Magnifique, je pense que vous avez peut-être trouvé. Hein. Là, il y a des chances quand même. Il y a de grandes chances, grandes chances. C'est au 32-10 que ça se fait. 32-10 que ça se passe. Et alors, au 74-900 pour le jeu des offices de tourisme, si vous voulez gagner des guides du routard, vous envoyez le mot tourisme, si l'office de tourisme d'Arbois vous a convaincu. RTL Autour du Monde. Les histoires monumentales de Pierre Baron. Il est de retour, Pierre. Dans deux jours, vous le savez, la France va célébrer la prise de la Bastille. Alors ici, à RTL Autour du Monde, avec Pierre Baron, on a eu envie de vous entraîner dans les coulisses de la grande histoire à travers ce monument qui est la colonne de Juillet. C'est le symbole de cette place de la Bastille. On vous prévient, ça va être assez surprenant comme visite parce qu'on ne va pas s'en approcher. On va carrément aller sous la colonne. Voilà. Et pour aller sous la colonne, il faut commencer par le 14 juillet 1789, à l'époque où il y avait une prison, que le bon peuple de Paris, bien évidemment, a pris. En moins de quelques mois, la forteresse est entièrement démolie, et à la place, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. On a une immense esplanade. Bon, la nature, c'est comme les hommes politiques, ça a horreur du vide. Donc, les députés se disent, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire ? Alors, première idée, on se dit, tiens, on va faire un obélisque. Un obélisque. Et on va graver les droits de l'homme dessus. C'est pas bête, ça servira plus tard, ça. Place de la Concorde. Mais ça marche pas. Après, on se dit, tiens, on va construire une colonne de la liberté. Ça, c'est vendu. C'est parti, c'est bon. Et on va poser la première pierre de cette colonne 3 ans après, exactement, jour pour jour, le 14 juillet 1792. Et puis, plus rien. Enfin, un petit peu quand même. On a une fontaine. On a une fontaine en hommage à la nature qui est construite là, avec une femme qui a des seins assez généreux, on va dire, et de ses seins. Ah bah cool, l'eau, donc c'est la version féminine du Manneken Pis de Bruxelles. C'est ça. Bon, voilà. Napoléon va y mettre un petit peu son grain de sel, forcément, Napoléon dans l'histoire, c'est, hein, bon, il intervient sur tout. Et lui, il va remplacer la Dame Fontaine, oui, je suis désolé Jean-Sébastien, j'ai pas pu m'empêcher, par un éléphant avec une tour sur le dos et qui crache de l'eau par la trompe. On a même prévu dans la patte du pachyderme une petite place pour loger le gardien. Mais là aussi, ça va tomber en sucette, si j'ose dire, parce que faute d'entretien, eh ben, c'est fini. On n'en parlera plus. Une femme fontaine, un éléphant, c'est déjà une révolution. Et c'est une nouvelle révolution qui relance l'affaire. Puisque les 27, 28 et 29 juillet 1830, connus dans l'histoire de France pour être les Trois Glorieuses, il y a une révolution dans Paris, il y a énormément de victimes, 1 millier de morts, et que la Chambre des députés décide d'élever place de la Bastille un monument funéraire pour leur rendre hommage. Ce sera ça, ce long fut. Ça sera leur dernier tombeau, d'une certaine manière. Et c'est là aussi que, d'une certaine manière, l'histoire humaine va rejoindre une histoire un peu curieuse, parce que figurez-vous que ces 540 insurgés, eh ben, ils partagent leur repos éternel avec, je vous le donne en mille, 4 momies égyptiennes. Ça, personne ne le sait. Ah, mais c'est pas très connu. Elles y sont toujours. Ah, ils y sont toujours, voilà. Bon, du haut de cette colonne, deux révolutions nous contemplent. Exactement. C'est exactement ça. Donc ça veut dire que quand vous serez dans les embouteillages place de la Bastille, vous vous souviendrez de ce que Pierre Baron nous racontait dans cette émission. Il y a donc des momies, des sarcophages sous la colonne de la Bastille. Il y en a quatre. Merci. Les histoires monumentales de Pierre Baron tous les mardis dans RTL Autour du Monde. RTL Autour du Monde. Autour du Monde. Francis Jordan était notre invité jeu fil rouge aujourd'hui dans RTL Autour du Monde. Francis ? Oui. Nous allons donc lever le voile sur cet endroit où vous vous trouvez, sur cette ville que nous recherchons et pour laquelle nous avons donc donné trois indices. Je pense que tout le monde a trouvé et surtout Karine Malter a gagné aujourd'hui. Elle est dans la Manche, elle est à Cherbourg. Bravo à elle. Je la félicite. Ouais. Elle vient de gagner donc un guide du routard. Ah non, les boules de pétanque, oui, pardon, ce sont les boules de pétanque. Oui, là. Voilà, les boules de pétanque de la marque Obut. La triplette, c'est pour elle. Francis, vous êtes où ? Je suis à Arles-sur-Tech. Et voilà. Arles-sur-Tech. Ouais, en attendant, gagner de Cherbourg en donnant Arles-sur-Tech, ouais. On ne peut pas faire plus loin pratiquement en France. Ça doit être une des plus grandes distances qu'on puisse parcourir. C'est Arles-sur-Tech, cool. Vous êtes dans la vallée la plus orientale, la plus au sud de France. Hein, vous êtes dans le Val-Espire, oui. Francis, qui est la vallée la plus méridionale, qui est un endroit où on passe d'une plaine vers des forêts majestueuses de chênes, de hêtres et de châtaigniers au fur et à mesure que l'on remonte vers cette source du Tech. Alors, oui. La ville de la Cerise, dont on parlait dans le deuxième indice, c'est bien évidemment Céret. Céret, tout à fait. La fameuse cerise de Céret qu'on offre au président de la République. Céret qui est aussi connu parce que Picasso en était tombé follement amoureux de cette ville. Il y est resté, il a fait venir pas mal d'amis à lui, oui. Que sont Chagall, Matisse, oui. Cocteau, ils étaient du côté de Collioure, et puis il les a fait monter dans le Val-Espire, et le président Mitterrand a fait construire un musée à Céret, un musée d'art moderne, qui a été un de ses grands travaux, un des moins connus aussi, c'est un des plus beaux musées qui soit, et puis quand on est chez vous, on a le souvenir à Céret de cette ancienne, à Arles-sur-Tech, pardon, de cette ancienne ville minière, parce que c'était une ville au 18e siècle qui fonctionnait grâce à ces mines. Et puis il y a effectivement cette sainte tombe, ce sarcophage qui est encore un mystère. C'est un mystère toujours. Et est-ce qu'il y a une explication rationnelle et scientifique? Alors, s'il y en a une. Il y a une explication. Ça, c'est le générique d'une émission qui s'appelait Mystère, justement, qui était présentée par Alexandre Balou. Et le deuxième numéro de cette émission a été consacré à la sainte tombe. Et l'explication, c'est quoi? D'Arles-sur-Tech. L'explication, c'est grosso modo de la condensation. De l'eau. En plus, avec les pluies qui s'infiltrent, la pluie qui s'infiltre par les interstices de la tombe. En gros, tout cela est très rationnel. Mais c'est quand même. On a envie d'y croire. C'est quand même beaucoup plus drôle. On a envie d'y croire, effectivement. Voilà. Merci Francis, en tout cas. Merci à vous. Pour votre participation aujourd'hui et bonne fin de journée à Arles-sur-Tech. Voilà. À bientôt. Merci à vous. Et bonnes vacances si vous pouvez en prendre. Merci. Au revoir. Allez, vite fait, les gagnants des guides du routard aujourd'hui sont Philippe, Léa ou Léo. C'est Léo. Et Marie. Bravo à tous les trois. Je rappelle que demain, nous tenterons de vous faire découvrir un nouveau lieu, bah oui. Un nouveau monument, un nouvel objet, allez savoir. Avec la complicité de nos nouveaux invités, nous vous raconterons d'autres histoires, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Demain, c'est Karine Tessandier. On parlera évidemment gastronomie, on va manger. Évidemment cuisine. C'est bien, demain, on se tape la cloche. Avec Karine, rendez-vous aux alentours de 15h. Merci à Pierre Baron pour ces histoires monumentales aujourd'hui. À mardi prochain, Pierre. Je rappelle que on vous retrouve sur l'antenne d'RTL dès demain dans la curiosité est un vilain défaut. Entre 11h et 12h30, vous allez nous parler du drapeau tricolore. Le pourquoi du comment. Évidemment. Bonne journée. Dans quelques instants, les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier. Et on se fixe au rendez-vous demain. Merci à Pierre Josse également. Le guide du routard était notre invité. À la semaine prochaine. Vous écoutez RTL. Il est 16h.